Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue à l'édition complète des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 16 au 22 septembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Hello, Steph! Ça va bien, Mathieu? Matt, qu'on dit Matt. Je le sais, mais tu sais, je te l'ai dit il y a à peu près, 30 secondes. Et tu m'as demandé, est-ce que je m'en souvenir? Je t'ai répondu non. J'aurais dû gager 20$. Ça montre que je me connais. Oui, c'est vrai. C'est ça. Alors, on va remettre en contexte. On s'était dit, parce qu'on fait deux intros, vous aurez compris si vous écoutez fréquemment l'émission. On commence avec l'édition complète, qui pour les gens qui écoutent le jeudi et le dimanche, c'est super le fun. On se parle de 600 000 en 3 heures. Et on repasse du lundi au mercredi entre 17 et 18 heures, l'édition quotidienne. Et ça, ben, on les fait indépendamment. Et on veut qu'il y ait notre nom dedans. Fait qu'on va pas dire notre nom deux fois chaque. Ben non, mais c'est ça qu'on fait que depuis qu'on a commencé la saison. C'est finalement. Ça fait comme 4 semaines. L'habitude ne rentre pas. Mais on dit 21 jours. 21 jours? C'est déjà dépassé. Ben non, mais 21 jours à le faire, donc ça va être 21 émissions. Aha, d'accord. Donc finalement, on est mieux d'abandonner le projet. Si on aurait pu dire aussi que c'est 21 jours ouvrables. Ça marche ça aussi. Donc oui, édition complète des Palmarès C'est Fou, ce qui veut dire que d'ici la fin de l'émission, on va savoir qui sont nos numéros 1. On se demande encore si ça va être toujours Zeus et The Ballad of El Gudo en anglophone. Et du côté francophone, est-ce que c'est encore ta cadence de Navarre? Extrêmement bonne question. On va aussi entendre quelques nouvelles entrées. C'est avec ça qu'on va débuter, donc on n'en parlera pas tout de suite. Plus tard dans l'émission, on aura aussi... on n'a pas Justine Renaud cette semaine. Mais non! Elle devait être là, mais non. Elle procrastine pour vrai aujourd'hui. C'est son principe, elle aime se remettre à plus tard. Mm-hmm. C'est un genre, tu sais. Pas nécessairement le mien. Moi, c'est de... Ouais, ça? Non, moi, c'est de tout essayer de tout faire en même temps, pas avoir le temps de le faire avant le début de l'émission, tu sais. Comme exemple maintenant. C'est ça, parce qu'on a aussi les chroniques Palm Rest in Peace, qui résument les pièces qui ont quitté le palmarès depuis le précédent. Et aussi, on a un instant classique. Bien sûr. Qui devrait être sorti du four d'ici la fin de l'émission. Mais là, à broye, peut-être que ça va aider. Ça gratine. Au pire, il va avoir une croûte. Justine gratine, tu sais. Justine gratine. Comme elle grise ça dessus. Ça pourrait être bon. On lui propose. Mais elle cherche un nouveau nom. Du fromage, c'est bon. Ouais. Justine avec du fromage. On s'est rendu jusqu'à la fin de l'intro. Ce qui veut dire que c'est le moment de commencer. Les Palmarès C'est Fou, édition New Shit. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou édition New Shit. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, dans cette heure des Palmarès C'est Fou, on va entendre que des nouvelles choses mélangées avec des choses qui sont plus ou moins récentes, si on veut. Parce qu'il n'y a pas tant de nouvelles choses que ça. Seulement deux. La semaine passée, on avait 10. C'était le gros free for all. Oui, on parlait anglais tout le long. New Shit, free for all. On lançait des mots comme ça au hasard en anglais. Like you never know. Like a virgin, like you never knew before. Donc, oui, c'est les Palmarès C'est Fou édition New Shit. Deux nouvelles entrées vont vous attendre en ce début d'émission. Du côté anglophone, ce sera Monster Truck Kill the Lion. C'est leur deuxième pièce de l'album Furiosity. C'est sûr que mon anglais est rouillé. Furiosity. Mais on va commencer du côté francophone avec la nouvelle entrée de Violette Pie qui est Princesse Carnivore. Merveilleux, c'est dans les Palmarès C'est Fou édition New Shit. J'adore ce nom-là, même si je sais qu'il y a juste moi qui trouve ça drôle. Oui. Même si tu es sublime, même si tu es mon sentiment préféré, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir. Même si tu as mis ta petite robe d'été, il y a des fleurs partout par terre, il y a des fleurs partout sur ta robe. Mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier. Mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier. Il y a des fleurs partout par terre, il y a des fleurs partout sur ta robe. Mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier. Mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier. Les pieds dans le sable, le soleil jaune d'un dos, rien ne pourrait être plus beau. Ton sourire plein d'émail et ton chapeau de paille, rien ne pourrait être plus beau que toi. Il y a des fleurs partout par terre, il y a du steak partout sur

nouvelles entrées de cette semaine dans les paroles assez fous. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont de qualité. C'était Monster Truck et The Lion sur l'album Furiosity. Et du côté francophone, c'était Princess Carnivore de Violette Pie. Mm-hmm. Et comme on a dit au revoir à deux pièces, ben, ça veut aussi dire par le fait même... c'est le contraire. Vu qu'on a écouté de nouvelles entrées, ça veut dire... Oui. Exactement. On dit au revoir à deux pièces, c'est ça? Donc, on... On... Rest in peace! Just mountains of change. Voici les pièces qui ont quitté depuis le dernier palmarès. Les pièces qui ont quitté les palmarès c'est fou depuis la semaine du 9 au 15 septembre 2013. On vient d'entendre juste là Sweet Mountain River avec la pièce. Non, le groupe Monster Truck. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et tout juste avant, on a dit au revoir à la pièce Tu t'es mis à crier de Bravo Funken qui est restée un nombre de semaines indéterminées. J'allais, jusqu'à temps que tu dises ça, j'aurais dit ah, regarde, tu vois comment être capable de le dire facilement alors que moi je me suis fourré dedans. Mais finalement, tu t'es fourré toi aussi. Je me suis pas fourré. T'as dit, il y a depuis un nombre de semaines à déterminer. Mais quoi? Ça aurait pas paru qu'on était pas au courant partout de ce qu'il y avait dans le bloc, sinon? Mais non, au moins, je l'ai bien dit. Ouais, OK. Si on veut. Oui. Je préférais que dire les bonnes informations, mais mal. Toi, t'as choisi de dire des informations additionnelles, mais bien. Tu vois comment on se complète? C'est rendu plate. Donc, c'était le bloc Palmer Rest in Peace qu'on fait à chaque semaine au Palmer Rest in Peace. Et c'est là qu'on dit au revoir aux pièces qui nous ont quittés. Bon. Maintenant, on est rendu au 19e place du côté anglophone. Ça descend de 9, c'est Dinosaur Bones et Nothing Left Between the Lines. Et moi, ça descend de 10 du côté francophone. C'est le nœud de Midi Cayenne Club. J'allais dire moins de syllabes, mais finalement, avec Midi Cayenne Club, il y en a autant que les miennes. OK, oui. La peur est un voleur que l'on avait chez soi. C'est vraiment assez fou. Ah, j'ai réussi à le plugger. De la guerre, le nerf de mon cœur, les rêves de ma mère, le sel de nos pleurs, toute la douleur du monde qu'on subit en nous séparant. Le nerf de la guerre, le nerf de mon cœur, l'espoir de mon père. Le poids des erreurs, ce ne sont pas les chaînes que j'admire chez nos parents. Le feu de la guerre, le nerf dans mon cœur, la tension dans l'air, le bruit et l'odeur, j'aspire à me savoir. Les palmarès C'est fou vous sont présentés en collaboration avec l'AGE UQTR. ça c'est bon, Caveman et In the City qui descend de 9 places en 18e position anglophone. Et du côté francophone, c'est une chute fulgurante de 14 places pour Radio Réveil d'Atomic Baobab. Fulgurante? Fulgurante, mon cher. C'est beaucoup trop, ça. Fulgurante. OK, non, pas astronomique. Non, c'est encore trop dramatique. Ouais, ouais. Une chute... mémorable, une débarque. Non? Ah, OK. Une débarque. Moi, c'est une débarque. Une débarque douloureuse. C'est un badaboum badaboum. Un zwit-pauf. Zwit-pauf, pif. Zwit-pauf, ses fesses. Big bang boom. Donc, voilà pour les 18e places. On est rendu au 17e. Simple comme ça, ça y va dans l'ordre décroissant. Fait que... C'est simple. Donc, on prend une horloge, on attend qu'il soit et 12. Okay. Puis, parce qu'après ça, en haut de jusqu'à 20, on comprend pas. Mais après ça, avec une horloge, on peut y aller dans le sens anti-horaire et on comprend bien où on s'en va. Tu vois, c'est ça la chose entre le sens horaire et le sens anti-horaire. Quand tu parles de chiffres croissants et décroissants, tu dis pas dans l'ordre contraire des chiffres d'une je sais pas, d'un chronomètre, mettons. Tu dirais pas ça. C'est trop spécifique dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est trop spécifique. Mais non, c'est pas trop spécifique. Ça veut dire si ça tourne d'un bord ou de l'autre. Il me semble que... Ben, il me semble vers la droite, c'est comme vers la droite. Ouais, mais ça tourne pas tant vers la droite parce que si t'es à bâbord... Non. Si t'es derrière l'horloge, ça va être... Okay, oui, exactement. C'est ça. Ah, bon. Donc, position numéro 17 du côté anglophone, ce sera Jay Arner et Midnight on South Granville qui descendent à la 8e place. Et du côté francophone, on s'en va entendre Courir nu de deux poignées en cavale. Au palmarès, c'est fou édition New Shit. Retour Rara, Michelo et les Indiens au palmarès c'est fou, 89 FM. Jay Horner et Midnight on South Grenville qui descendent de la 8e en 17e anglophone. Et ça descend de 11 places en francophone. C'était Courir nu de deux pouilles en cavale. Je passe tout le temps le même commentaire à chaque fois qu'on entend Jay Horner. C'est quoi ce tune-là, donc? Je la reconnais pas, c'est quoi ça? Puis elle commence, puis ah ouais, c'est vrai, je l'aime pas. On a fait jamais jouer ailleurs qu'au Palmarès, c'est fou. C'est ouais, c'est dommage. On en a pour tous les goûts au Palmarès, c'est fou. Pas nécessairement juste les goûts des animateurs, c'est pour ces fous au complet, t'sais. Oui, c'est aussi pour ceux qui ont pas de goût. Hey, wow, wow, c'est pas vrai. Hey, les accusations, là. C'est pas vrai. Moi, j'aime Lisa Leblanc, t'aimes pas ça? Non. On chicane. Bernard Lamus. Honnêtement, indifférente. Moi, hein? Moi. C'est comme... Bon. Paye pas ça. Non, c'est ça, ça joue, ça me dérange pas, et je l'écoute pas chez nous. Exact. Même chose. Donc voilà, on est rendu en 16e place. Du côté anglophone, c'est Aurora avec 20s qui descend de la 7e. Et du côté francophone, ça monte une petite place et c'est « Ses bottes sont faites pour marcher » de Michelot. C'est les Palmarès Fous, édition New Cheetah. New Cheetah. Cheetah, New Cheetah. New Cheetah. Quand tu me dis que tu n'as pas d'autre fille, je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde sait que tu me trompes souvent. Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter. Car je mettrai ses bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Tu mens tellement que c'est plus fort que toi. Et tu ne sais jamais où est la vérité. Comme tous les enfants, tu crois être nommé. Mais toi, dans la vie, tu ne m'as rien donné. Ces bottes sont faites pour marcher, et tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Ra Ra. Oui, sur leur album The Poet's Dead, c'était la pièce 20s en 16e position anglophone. Et en 16e position francophone, c'était Michelot avec Ses bottes sont faites pour marcher. Mm-hmm. On allait faire un bloc de 4, mais quand même, la prochaine chanson est vraiment longue. Je pense qu'elle mérite d'avoir son propre bloc de 2 pièces. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Soyons fins avec eux. Pas faire 20 minutes sans rien dire. Comment notre auditoire le demande qu'elle nous entende? Mais on aurait perdu un peu la pièce à travers tout ça et on n'aurait pas pu l'apprécier à sa juste valeur de 6 minutes quelques. C'est comme un manoir où tu aurais beaucoup trop de pièces. Tu finirais par te perdre dans une pièce. Et à pas non plus pouvoir prendre le temps de les apprécier, ces pièces-là. Les apiécer. Des apiécer à leur juste valeur. Oui, voici donc du côté anglophone Fairtrade et Don't Get Heavy qui monte de 2 places qui était nouvelle la semaine passée. Et du côté francophone, c'est stable pour les Indiens, la pièce crâne. Au Palmarès, c'est fou. Faut 89.1. FM! l'Association générale des étudiants de l'UQTR est fière de s'associer à cette édition des palmarès CIFU. Yeah. Battering Ram, je cherchais si c'était Ram Battering. Battering Ram, The Pack 80, position numéro 14 qui monte de la 19e place. Et du côté francophone, c'était en 15e place. On a écouté Crâne de Les Indiens. Mm-hmm. Est-ce que tu veux nous dire ce qu'on saute en francophone? Pourquoi pas? Donc, on va sauter du côté francophone en 14e place. Mets ça dans ta pipe de Mimi Van Der Glo. En 13e, Une année de travail de La Question. En 12e place, sa montée de 8, c'est Petit Pain de Panache. Et finalement, en 11e place, J'aime ça de Les Handlaps. Du côté anglophone, on saute par-dessus Nico Case avec Man en 13e. Alice in Chains et Voices en 12e stable. Pour se quitter avec la position numéro 11, c'est Paper Maps avec la pièce The Hedonist. C'est tout pour l'édition New Shit des Palmarès C'est Fou. Merci Stéphanie. Merci Mathieu. Mm-hmm. On se retrouve soit dans quelques minutes pour les gens qui nous écoutent le jeudi et le dimanche. Sinon, si vous écoutez la semaine, lundi au mercredi à 17h, ça va continuer demain mardi avec l'édition Top 10. Et voilà! Merveilleux, ça! Et un beau résumé! À tantôt, slash plus tard, slash demain une autre fois. Bye! Genre! I'm 89.1. C'est fou, édition top 10 pour la semaine du 16 au 22 septembre 2013. Il est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Mm-hmm. Dans cette deuxième heure, normalement, aux deux semaines, on aurait Justine Renaud. Mais oui. Mais oui. Elle devine va nous manquer. C'est ça, devine ce qui se passe. Et voilà. Oh. Ouais, mais c'est pas grave, sur cette note très très triste, on va quand même avoir du bon contenu. C'est le top 10, Colin. C'est proche du sommet, ça. Donc c'est presque la crème de la crème. C'est la sous-crème. C'est quoi avant d'être en crème quand tu brasses? Avant d'être en crème, je sais pas, du lait entier peut-être? Lait entier. C'est du 3,25 maintenant. Ouais. C'est pas illégal de vendre du lait genre entier là, directement de la vache aux États-Unis, je pense. Non, ça c'est pas pasteurisé, là, c'est différent. Mais de base, du lait cru. Là. Du lait cru, non, tu peux pas vendre ça. Mais du lait entier, ça veut dire que t'as pas enlevé de gras. Dedans. Ah! Donc c'est du 3,25. Wow, on apprend des choses au palmarès, c'est fou. Wow. Vraiment? C'est pas l'émission pour ça du tout. On parle de lait de vache. Du côté anglophone, la 10e position est occupée par Braids et Fruind. Et du côté francophone, c'est sa 2e semaine, c'est l'homme éléphant de El Motor. Tu vois, éléphant, vache, c'est le lien que... Oui, du lait d'éléphant. C'est super bon, ça. Manu. Braids et Fruind. C'est la position numéro 10. C'était une nouvelle entrée la semaine passée, donc ça monte de 6 places. Et du côté francophone, ça monte aussi de 6 places. C'est l'Homilifant. L'Homilifant. De Illimouture. Tantôt, ce sera Lila Dissa et Bear Mountain. Un autre animal, finalement. C'est bien ça, éléphant. Ouais. Oui, éléphant, oui, c'est un animal, je te le confirme. Bravo. Et qu'est-ce qu'on a appris de la part de Jean-Philippe tantôt par rapport au lait cru? C'est ça qu'on discutait tantôt avant le précédent? Non, lui, il m'a juste écrit sur Facebook le babeur. Le babeur. Que c'était l'étape avant le beurre. Mais en fait, le babeur, OK? Parlons-en de ce babeur-là. C'est du lait battu avec des ferments à l'intérieur. Pas fermons, ferments. Non, sinon on parle pas de Vincent Vallière. C'est ça. Donc, bref, le babeur, c'est peut-être pas si tant gros que ça. Fait que ça a pas l'air... Moi, on dirait que dans ma tête, du babeur, c'était du beurre fondu. Mm-hmm. Mais c'est pas ça. Non. C'est tout. D'accord. Ben, dis, sur ce moment savoureux, en voici d'autres. Hein? Sur ce moment de malaise. C'est ça. Écoutons-en d'autres. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 16 septembre 2013. Air Intake. Je connais pas le Air Intake. Ça va être pas loin du Pipe Flow. Sûrement et du Galloper. Oui, le Galloper. Je connais du Galloper. Bon, voilà, ben, on connaît ça. On peut avoir une petite crosse. Une petite crosse. Où ça arrive une des fois. Crosse. C'est croche, ouais. C'est des croches. Mais nous, on vous dit pas de faire ça. Non. On va appeler ça un peu comme le sport, le cross-country. Le cross-country. Ça, c'est vraiment rempli de crosses de campagne. Comment on appelle? C'est comme un roman, hein, si vous êtes le héros. Oui. Tu veux lire ça dans le miroir, dans le tiroir. Tu sais, les livres qu'il fallait que tu lises dans le tiroir. Oui. Qui est pas la Bible. Saison hockey qui est imminente. Ouais. Ça sent la coupe! Dès le départ. Dès le départ. Tout à l'heure, prolongation, c'est sûr qu'on gagne. C'est les sinusites qui te font mucuser comme ça, mais ça sent la coupe. Ça sent la coupe. Des beaux bruits de gorge oui. Qui, toi, sortent mal à cause de ta sinusite. Oui, c'est ça. Et que ça aide pas à la qualité sonore de l'émission. Ouais. Mais bon, on a refait le filage. On a refait le filage, fait qu'au moins, on entend bien ta sinusite en onde, je trouve. Exactement. Dans la console, c'est filtré là, ouais, comme jamais. Trois fois. Oui. C'est comme, comme la bière. C'est la blague d'il y a 3-4 minutes. Là. Oui. On est vraiment à délai. T'sais. Ouais, ben c'est correct. Alors, on est en délai, mais en direct. C'est ça. On est 2D. Oui, hey, c'est mêlant parce que les gens pensent qu'on n'est pas là live en ce moment, mais là, en ce moment, là, c'est sûr que c'est live. Viens nous voir. Il n'y aura pas de reprise de ce boulot où je dis que c'est live. Non. On va le couper. C'est ça. À un moment donné, il y a des limites. Et la place par excellence à toujours bien laver, bien récurer, c'est en dessous de vos ongles. Ah, parce oui. que le fameux ongle noir, eh bien souvent, il y a comme plus... la chanson, là. L'ongle noir. L'ongle noir. T'as une tache sur un jeans, tu le mets de côté, t'arrives pour le laver, puis il n'y a plus de tache. Hein? Ça vous est jamais arrivé? Vous me oui, regardez comme si... Comme ben, si je sais pas. Ça me rappelle la chanson de Michael Jackson. Sally Jeans. Et maintenant, propre. À plus de taches de beurre. Ouais, au lieu d'Instant My Lover. Ouais, Mathieu, t'en fais ce matin, les jeux de mots. Je sais pas. Il y a de l'avenir pour Patricia Kramer. Elle est de renommée Kramérique du Nord. Cherchez une façon de. Il a cherché la lettre. Je voulais pas dire cramer comme dans brûler quelque chose, je trouvais ça un manque de respect. Moi aussi, j'avais juste ça. Ouais. Ça ou mettre de la crème. Oui, mettre de la crème. J'avais juste ça. J'avais crémisphère. Crémisphère. Ouais. Oh là là. Ingrid Arneberg, bonjour officiellement. Salut. Ça va toujours depuis tantôt? Toujours très bien. Et on parlait de ton nom juste avant que l'émission commence. Arneberg. Oui. Mais c'est pas prononcé comme ça en Norvège, n'est-ce pas? Non. C'est Ingrid Arneberg. Il va falloir que tu me répètes ça sans fond. Là. Ingrid Arneberg. Je te broche. Mathieu, à toi. Angry Birds. C'est pas oui, pire. C'est proche. C'est proche. Ils commencent leur travail, leur accouchement avec une perte des os. C'est 10%. Okay. Dans les films, c'est 100%. Ouais, puis dans Bible, c'est Moïse qui vient séparer les os. Oh mon Dieu! Moi, on me l'a jamais fait. Non! OK. Je vais aller le chercher, OK? OK, vas-y. OK, bye. Cours. Ah, c'est ça, c'est la porte. OK, je pensais que ça allait marcher aussi. Non. Galop, galop, galop, galop, galop, galop. OK. Donc, Steph? T'as oublié de revenir. Là, t'es parti. Hey, mon talent d'acteur est pas là, hein? Ouais. David Ferro va être là. Cool. Garlin, c'est un phénomène de nature, donc un peu comme un papillon, on va se transformer en chenille, se transforme en papillon. David Ferro se transformera peut-être en quelque chose d'autre un jour. Je croise les doigts. L'équinoxe, en fait, c'est le saucisse. Ah non, c'est l'équinoxe, c'est ça. Si la saucisse, je veux savoir la suite. La saucisse. OK. Non, la là, saucisse, c'est l'équinoxe. La saucisse d'hiver. Oui. 8h08. Oui. Ça réchauffe dans nos cœurs. C'est faut que tu la passes dans l'eau chaude. OK, OK. Pour qu'elle soit bien enflée. Lynn Beauchamp, l'ancienne ministre de l'Éducation, l'ancien organisateur Pierre Bibeau, le mari de Lynn Beauchamp. Hey. Limbo puis Bibo. Limbo! Bibo! Lynn Beauchamp. Oh, oui. Limbo. Oh, oui, oui. Ça. T'as le droit, t'as le droit. J'aimerais vraiment savoir ce qui se passe dans ta tête. Limbo! Quand on se promène les fesses serrées, à un moment donné, on commence à stresser un peu, puis ça commence à faire des ballonnements. Ça commence à être juteux. Hein, je parle de sueur aussi. Ah, hey, oui. Non, non, gars. J'enlève mon ha-ha-ha. Ouais, ouais, non. On le coupera au montage. Okay. Mais... moi, j'aime ça l'automne pour sentir les feuilles. Super. Et puis ramasser les feuilles, puis tu sais, t'es mets dans un livre, puis là, oui. T'es oublié, puis là... Oui. T'es broie, tu sens ton smoothie. Oui. J'aime tellement ça. Ça se passe au Petit Jean Plein. Ça va être ce jeudi à 20h. Donc, c'est ce soir pour ceux qui prévoient être dans la capitale nationale. Le billet est à 22,17 $ pour les étudiants. Donc, je vous propose d'aller écouter un extrait, All Is Done, qui est sur leur premier album. On écoute ça pendant que moi, je me retiens de ne pas faire un jeu de mots sur le petit. T'as dit comme le Petit Jean Plein, on dirait. Les petits gens. Les petits. C'est des nains avec un gros ventre. Les petits Jean Plein. Je note là. Hey, le fourré m'a pogné quand j'ai dit ça. Oh wow, mais pour vrai, vous étiez solidement en feu cette semaine. Surtout aujourd'hui, on dirait que les extraits les meilleurs, c'était aujourd'hui jeudi. Colin, les petits gens pleins, je m'excuse, Madame Joanie Gagnon. Elle s'est collée qu'à l'heure on sort, mais je pouvais pas passer à côté. Écoute, j'ai une petite larme. Oui, petits gens pleins. Oh, c'est beau. Ah, l'ongle noir. C'est rempli de moments mémorables. Bon. Mais moi, je connaissais comme un peu toutes les cues, genre les noms de jokes, genre... smoothie de feuilles. Oui. Ou juste comme vous êtes arrivé en chantant l'ongle noir, je suis comme, qu'est-ce qui se passe mais maintenant? C'est... J'ai le contexte, je trouve ça de toute beauté. C'est douteux. Nous, c'est que le matin, on fait des blagues en ondes, ça n'arrête pas, pas scripté du tout. Et après ça, dans le bureau, on se refait des gags, tu sais, on s'y répète, fait qu'ils deviennent classiques. C'est pour ça que ça s'appelle un instant classique, là, c'est pas, ça part pas dans l'oubli, ces bons moments-là. Non, c'est juste classique dans le bureau, par contre. Ah oui. Ben, j'espère que vous nous suivez à la maison, parce que sinon, on fait de la radio dans le bar, c'est pas le fun. Dans Babeur, voilà. Ça, c'est un inside des palmarès, ça fait qu'on peut pas la refaire à Sandage Ricky. Non, mais sur la page des palmarès, j'ai écrit que t'étais un éclair au chocolat. Ah bah voilà, oui, ça c'est un gag d'assemblage. Ça vient d'assemblage requis. Les gags, c'est, y a comme une ségrégation des gags, mais une ségagation. Mais c'est parce que j'ai trouvé ça juste tellement drôle de t'imaginer et de pourquoi tu étais un éclair au chocolat. C'est parce que tu étais long et mou. Je m'excuse, mais l'image... Au contraire, ma chère, au contraire. Tu n'es pas long... Court, mais très solide. Non? Non. Non, mais toi, au complet, t'es comme un éclair. Là. Merci, oui. Tu sais, je veux dire, t'es en avant okay. comme... Ah, c'est pas l'entrejambe. Non. OK. Parce que c'est flasque. Flasque. Ben, écoute, si tu veux. Je sais plus. Je sais plus. Pas grave. Un instant classique, évidemment. Parlons de pourquoi on a fait jouer ça. On fait ça toutes les semaines au Palmarès C'est fou. C'est qu'on passe les meilleurs moments d'assemblage requis. Et ça, ça a lieu du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. On est en direct à partir de 7h30. Donc, écoutez-nous. Ici même à C'est fou 89 FM, c'est avec Jean-Philippe Charbonneau et moi. Oui. Puis t'es là aussi. Ça arrive. Chroniqueuse. J'ai pas été là. J'ai pas été très. Voyons. On t'a perdu un peu. Hein? Je vais recommencer. Ouais. J'ai pas été très, très présente encore cette session-ci à Assemblage requis, mais. Est-ce que ça va recommencer, genre, que tu sois là toute l'émission? Toute l'émission? Je pense pas. Ben voyons donc. Ben avant, on avait toute l'émission avec toi, puis là, on est payé juste pour avoir une demi-heure. Je sais même, t'arrêtes pas de me changer de place, fait que je te boude. J'arrête pas, j'ai fait ça une fois. Bon. Donc, on est rendu aux positions numéro 9. Du côté anglophone, c'est Bear Mountain et Two Step qui montent de 6 places. Et ça descend d'une place. Du côté francophone, c'est I Cougar de Lila Dissa. C'est pas Palmarès C'est fou, édition top 10. Au 89.1 FM. Je m'y mets un 5 puis un 1, c'est comme... C'est ça 6. Ça fait 6. Top 6. C'est plate un peu. Ouais. Ben quoi que ça aurait l'air de ça dans les autres radios, parce qu'ils ont juste la place pour 6 places dans une heure. Ils font juste 6 chansons. Le lag est tombé à plat, hein? Ouais. C'est Au retour, Bear Mountain, San Cisco et Félix-Antoine Couturier au Palmarès C'est Fou au 89.1 FM. CFOU 89.1. Mountain et Two Step, qui monte de 6 et la 9e position anglophone, c'est là depuis 5 semaines. Et du côté francophone, c'était Haïku Girl de Lila Dissa. Mm-hmm. Donc ça, ce sont nos positions numéro 9. Maintenant, on va passer à un petit bloc, là, tu sais, on se gâte, là. Ah ouais? C'est un petit bloc où on jase pas pendant 4 chansons. C'est rare. On écoute plein de bonne musique. En rafale, comme ils disent tout le temps à la TV. On va présenter en rafale. Il y a genre 2 épisodes de suite, là, tu sais, ou 3. C'est comme pas une rafale, ça, là. C'est comme juste un petit two shot. À combien ça serait une rafale, selon toi? J'irais, moi, je qualifierais une rafale d'au moins... j'aurais tendance à dire 5. 5? 5. Tu sais, mettons une soirée où tu t'assois et que tu te concentres à regarder plusieurs émissions de suite, c'est au moins 5, là. Mais 5 d'une demi-heure, mais ouais. D'une heure, je pense qu'on pourrait dire 3. Peut-être 3, minimum 3. Peut-être 4 même, je dirais. Mais là, on commence à s'en faire jouer les fleurs du tapis. C'est 3, 4, pas mal la même chose. Ouais. Ben non, tu sais, je me demande à partir de combien c'est un troupeau de moutons. Est-ce que 4, c'est pas un troupeau? Non. 10, est-ce que c'est un troupeau? C'est juste comme une troupette? Une troupette? Oui, jouer de la... De la un trou de pète. Un trou de pète, oh, c'est beau. Un trou de pète de mouton. Ah, ça me rappelle les blagues de juteux que François Landry a fait ce matin ben, dans les instants classiques de tantôt. C'est très bon, oui. C'est un bon rappel, finalement, de sortir la... quand on a parlé de juteux de pète. Hein. C'est classe. Donc, position numéro 8 et 7, c'est ce qu'on va faire ensemble. Plus tard, il y aura entre autres Phoenix, San Cisco et Sonny Duval. On va débuter en 8e place, Franco. Qui est dans cette vie de Félix-Antoine Couturier. Oh, yeah! Est-ce que tu as vu la détresse dans mon regard? C'est pour de ça où est-ce qu'on s'en va? C'est pour ça que tu m'as lancé un petit cue, là. Oui, t'avais l'air de David Ferron dans la pub de La langue dans ton oreille. C'est-à-dire de brancher de... le monde, excuse-moi, brancher c'est-à-dire le monde. C'est-à-dire de pas savoir du tout ce qui se passe? Non, c'est qu'il se fait manger par un lion à la fin. Hein? Il crie « Alain! » Ah, OK. Ben, vous l'écouterez avant ce manger dans genre 20 minutes. J'avais 9 ans il y a 3 secondes. J'étais presque en contrôle du monde. Libre et léger. Pris dans mon sou de neige. Je voyais mon père plus grand que le monde. Avec ses airs et ses chansons. Si je reste moi-même, est-ce que je suis toujours avec lui? Dans cette vie. Toujours en guerre, mais il est beau, même en colère. Les mains nouées, faut bien qu'il se protège. Et tout seul dans la grande maison, il y a ma mère et ses démons. Pour les semer, elle roule la bicyclette. We'll be right back.

Phoenix et Trying to be Cool. C'est la 7e place, ça monte de 4. Et la 7e place francophone, c'était Amour d'amour de Sonny Duval. Mm-hmm, et on s'en va entendre les 6e du côté anglo de Dance et Summer Lovin'. Et du côté francophone, les coloriers d'Alex Nevsky. On n'aura rien dit dans ce bloc. Plus de musique possible. Ça parle. Ouais, c'est sûr que ça gâche un peu le principe. Ouais. Mais pensez. Dis-moi si j'ai tort, en lune, en la nuit, étoile en mon corps, oublions nos vies, réécrivons l'histoire, il faut tout réinventer, il faut se réinventer, il faut se devenons libres, il suffit d'y croire, en rayant l'empire et brûlant les corps, il suffit de dire pour que s'effondre le dogme. We'll be right back. Summer Lovin', la formation de Dang, se stable en 6e place anglophone. Et ça monte d'une place en francophone, et c'était Les Coloriers d'Alex Nevsky. Comme disait la fin de la chanson. Donc voilà, on a terminé le top 10 à 6, qui est ce qu'on fait dans cette portion des Panoramas Sifu édition top 10, ça le dit, parce que la prochaine s'appelle top 5. On va commencer à genre empiler sur les deux concepts là, à la minute. Là. Ben non, mais sinon on va manquer de contenu quand même à quelque part. Ben voilà. Donc ça veut dire qu'on a le temps de jouer des chansons qu'on n'a pas jouées dans notre édition New Shit là, qui joue le lundi à 17h, ou sinon notre première heure pour les autres. Donc on va entendre la position numéro 11 du côté francophone. On a sauté par dessus les 11, 12, 13 et 14 de Franco, donc on a quand même du territoire à couvrir. Donc allons-y tout de suite avec les Hand Claps et la pièce J'aime ça qui était nouvelle entrée la semaine passée. Moi aussi j'aime ça. Cool. Veux-tu que je t'applaudisse les Hand Claps? Bravo. Oh, malaise. Je pense qu'elle a pas aimé ça. Tu vois, elle a changé de bord. J'aimais ça, j'aime plus ça. Dislike. Hey, Mark Zuckerberg de Facebook, là, il a encore dit, il a répété que non, il n'y aura pas de dislike. On s'est démaquillé. C'est comme ça. On a mis du fort sous nos joues. On s'est éteint, déraciné. On a mis du soir sur nos joues. On s'est soumis, on a plié. On a mis le mort à nos bouches. On s'est pourri. Baïonné, on a mis la mort à nos trousses. On a repris, puis dilué. On a troqué l'or pour les sous. On s'est fait saint, on s'est fait sacré, sans mettre nos corps sous les clous. On s'est fait pute, et pour briller, on a mis de l'or à nos coups. On s'est repeint, remaquillé, on a mis du phare sur nos joues. Nevsky et une pièce bonus, on leur a fait croire. C'est un extrait vieux du palmarès. Là. C'est comme un classique gold. Oui, c'était une envie soudaine, c'est comme ça. Puis, moi, je vous ai fait croire qu'on allait entendre les Hand Claps avec J'aime ça. C'était faux! C'était juste pour vous déstabiliser. Ben non, c'est pas vrai, là. Là, elle va jouer. C'est les palmarès C'est fou édition top 10. Top 10, c'est des gaffes. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir la prochaine. Je me sens libre, peu importe où l'on va, car avec toi le monde. Que c'était les Handclaps avec la pièce J'aime ça qui monte de 7 positions en 11e place francophone. T'as-tu aimé ça, Mathieu? J'ai adoré. J'aime ça, moi. Je trouve qu'elle chante peut-être pas super bien, cette chanson-là, précisément. Mais elle a comme une drôle de voix, mais... On verra dans les prochaines... Oui. C'est tout pour l'édition Top 10 des Palmarès C'est fou. Retrouvez-nous pour l'édition Top 5, soit dans quelques minutes pour les auditeurs du jeudi et du dimanche. Et sinon, c'est demain pour les gens qui écoutent du lundi au mercredi entre 17h et 18h. C'est notre case quotidienne, toi. Et voilà, t'es rendu bon pour le dire, là. À tous les jours. Ouais, dis de même, c'était logique. Hein? Dis autrement, c'était moyen. Donc, à plus tard, slash tantôt, slash c'est ça qui a l'air fou quand je dis ça. Attends, bye. À bientôt. À bientôt. Restez là. Oui. Mais peut-être pas. Il y a d'autres choses pareilles, même si c'est pas nous autres. Bonjour et bienvenue à l'édition Top 5 des Palmarès C'est fou pour la semaine du 16 au 22 septembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Oui, on va passer une heure à écouter que le meilleur de la musique de C'est fou, Top 5 de tous les animateurs de C'est fou, un après l'autre. On va tout demander, remplissez ici la petite feuille. Moi, j'aime celle-là. Puis ça donnait ça. Non? Non, c'est même pas vrai. C'est pas le même que ça marche, c'est faux. Non. C'est ce qui joue le plus à C'est fou. Donc, on va savoir d'ici la fin de l'émission si notre numéro 1 anglophone est toujours Zoo. C'est The Ballad of El Goulot. Et est-ce que du côté francophone, est-ce que c'est ta cadence de navire? On se le demande. C'est une bonne question. À chaque fois, je le dis, c'est une bonne question. Mais je le dirai pas parce qu'on n'est pas rendu là. Bon, hein, gars, tu comprends. Chaque chose en son temps, comme dirait quelqu'un qui dit des proverbes. Oui, comme les Robidoux disaient. De ne pas mettre la charrue devant les... Cochons. Les policiers, qu'on dit. Les policiers. Désolé. Côté anglophone, la cinquième position est occupée par Astra et Homestead. Et étrangement, cinquième position cette semaine, cinquième position la semaine passée, cinquième position la cinquième semaine. Ça fait 5-5-5, double 5. 5-5-5, presque le devil. C'est comme un faux numéro de téléphone dans un film. 5-5-5-1-3-4. 5-5-1-3-4. 5-5-5, c'est fou. 1-3-4. Et du côté francophone, ça a descendu de 3 places. C'est l'orpheline de Karine. On dirait que je me fais pogner, me pogne un choc quand j'écoute ça. C'est café. Oh, c'est fou. T'as frisé. We'll be right back. Astra et le morceau Home, stable en cinquième. Le morceau? J'essaie de varier parce que je reviens tout le temps pareil à chaque tome. J'aime pas ça, morceau. On dirait qu'on a écouté juste une partie de la pièce. un bout qui s'appelle Home. En tout cas, et du côté francophone, on a entendu l'orpheline de caféine. C'est un très bon point, par contre, que t'as avancé. Un très bon point. Ça de même. Ah ouais, c'est, des fois, quand t'essaies de varier, ça marche pas toujours. Hein. C'est comme ça. Tu changes, t'essaies d'innover. Ou t'oublies. Tu veux changer, puis t'oublies de le faire, finalement. Oui, ou mettons, t'as des messages d'une commandite quelconque, mettons, d'un acronyme de 6 lettres. Et tu le mets seulement 4 fois dans l'émission alors que t'es supposé faire plus que ça. Hey, Colin! Quatrième place du côté anglophone, c'est Seth The Whale qui est stable pour la pièce I Love You. Et du côté francophone, ça monte d'une place, c'est Femme de la couleur. Au palmarès, c'est fou. 89.1 FM. Les palmarès C'est fou vous sont présentés en collaboration avec l'AGE UQTR. When I learned that I had a brother, I made up a dance for you. We'd be crime fighters together and do things that brothers do. When you told me about his mother and all that she'd been through, could I do? Bon, ben, fin de me dire que même de même. I love you de Seth the Well, position numéro 4 stable. C'est pas moi qui disais ça? Il devrait dire. En tout cas, du côté francophone, c'était femme de la couleur. Oh, femme! Ça, il parle à toi parce que t'es une femme, je confirme. Merci. Ça fait plaisir. Merci de me dire que ça paraît. Un compliment, c'est vite accepté, tu sais. C'est facile à faire, hein. Mais en fait, honnêtement, je pense que c'est juste une constatation. C'est une phrase. Tu es une femme. Oui. Voilà. Côté anglophone, troisième place, c'est Zeus avec The Ball de Belle Boudou. C'est notre ancien numéro 1. Donc, on a un nouveau numéro 1 du côté anglophone. Oh, Tabarouette! Et du côté francophone. Et c'est l'ancien numéro 1 aussi. Pas les deux! Ah, ça va être une surprise tout à l'heure. Donc là, on s'en va entendre ta cadence de Navaire. Hey, hein? Ça, c'est plus du suspense ben quand les deux chantent. Non, c'est pas c'est quoi? Tu parles à cadence, le jour et la nuit. 3. Years ago, my heart was set to live. Oh, and I've been trying hard against unbelievable odds. Get so hard at times like now to hold on. My guns, they wait to be stuck by, and at my side is God. There ain't no one going to turn me round. There ain't no one going to turn me round. There's people around who tell you what they know. There's places they can send you. Je te vois t'endormir sur la fin de la chanson, Stéphanie. Je m'endors pas, je me dandine la tête. Ah, c'est vrai que c'est entraînant, tout en étant très, très calme. J'étais en train de me dire que c'est pas pour rien que c'était numéro 1, ça. Ben oui, ben c'est bon, en tabernouche. Moi. Tabernouche. Donc, c'était Zoo, c'est The Ballad of El Goudo, l'ancien numéro 1, maintenant en 3e place. Et l'ancien numéro 1 francophone, c'était Ta cadence de Navarre. Je suis pas capable de pas dire ta cadence à chaque fois que tu dis ta cadence. Ta cadence. J'ai des tics de même, moi, sur certaines affaires. Des tics de bouche. Des tics de bouche, voilà. C'est comme atomique. Ah, baby, vous vu. C'est baobab, mais je suis pas capable. Numéro 2 du côté anglophone, c'est Imaginary City, c'est Sooner or Later qui monte une place. Et du côté francophone, une belle montée de 10 places et c'est Coup de vent de Summerland. Surprenant quand même, un artiste, en tout cas que moi, groupe ou artiste. Artiste, c'est général, je pense qu'on peut, on est safe avec ça. En tout cas, il y a plusieurs noms et noms et prénoms derrière la pochette. Donc, ensemble de personnes faisant de la musique. De sexe masculin et féminin. C'est un peu comme ici, Radio-Canada Télé. Ou ici, Radio-Canada Première. Beaucoup trop de descriptifs. On devrait s'en trouver un beau slogan comme ça quand on termine. Oui. je sais pas. C'est des palmarès assez fous. Oh, malaise. Aucune imagination à cette heure-ci. Trop fin. On va revenir là-dessus. OK. Ou pas. Sûrement pas. C'est vrai que ça aurait été bon des nachos. Oh mon... Retour Imaginary Cities, Mr. Bear et The Cat Empire. Qui est numéro 1 là-dedans? Oh ho ho! Là, je vous ai donné plus d'indices que d'habitude, fait que demandez-moi ça pas plus que ça, parce qu'à un moment donné, ça va faire. Hein? Yo! C'est fou. 89. Deux. qui monte d'une place. C'est par la formation Imagine New Cities. Et ça monte de 10 places du côté francophone. La deuxième place, c'est Coup de vent de Summerland. Mais est-ce que c'est vraiment Summerland? OK. Ou c'est Some You Are Land? Ou, parce que c'est tout collé, là. Oui. C'est peut-être comme collé, mais... Ou Some You Are Land? Ou... So me your land. So me your land serait mon so préféré. So me your land, t'aimes ça? So me your land. Comme dans show, montre-moi ta terre. Show me your land. Show me your land. Avec un accent. Show me your land. Un petit accent, je sais pas où on a pris ça, mais... On dirait que j'ai une pipe dans la bouche, On a peut-être pris ça dans, tu sais, la pub avec Pascal Bussière. Hein? Elle a comme un petit accent, on sait pas trop d'où ça vient. Oui, mais c'est charmant. C'est dans sa personnalité de se donner un accent de main. Moi, en tout cas. Elle est une actrice internationale. Donc, du côté des numéro 1, maintenant, c'est le moment venu. Le temps est venu pour les jeux de mots. Les jeux de mots proches. Voilà. Donc, à un moment donné, tu me dirais, fais-en pas des jeux de mots. Moi, je te dirais, parle-moi pas de ça. Mets-toi pas dans ma face. Don't get là. Donc, get là, en train de me dire, tu me diras pas quoi faire, parle à ma main, donc get là. You know, là, je vais t'appeler monsieur parce que j'ai quand même un respect pour toi. Hey, monsieur, parle pas de même, tu sais. Moi, tu vas m'appeler monsieur. Je vais t'appeler monsieur parce que j'ai un respect pour toi, puis quand t'es respectueux, tu dis monsieur. Même à moi? Je sais pas, y a-tu un féminin pour monsieur? Madame? Non, ça a l'air faux. Du côté anglophone, je donnerais à ce jeu de mots très, très extrêmement poche l'or. Mettons, tu sais, t'as bronze, t'as argent. Or, oui. En haut de ça, qu'est-ce que t'as? Platine, et ça, oui? Platine, c'est en haut d'or? OK. Donc, en tout cas, d'un carte de crédit? Oui, t'as Ultime aussi. C'est comme Windows Pro Professional Edition, t'as Ultimate Edition à la fin, Ultimate Edition. Plus brillant que l'or encore, tu sais? Comme, mettons, s'il y a un concours de beauté de chat, OK? T'aurais les petits princes, les rois et l'empire des chats au complet. C'est comme le max que tu peux faire. C'est un film de Star Wars, ça, l'empire des chats. L'empire des chats, c'est ça. Donc, écoute, je vais essayer de décoder les mots qui sortent de ta bouche. La bullshit, comme on l'appelle? La bullshit. La bullshit, t'es carré à nouveau titre de l'épisode. Vas-y, bullshit. Donc, je vous annonce que les premières positions sont du côté anglophone, Brighter Than Gold de Cat Empire. Mais tout juste avant, du côté francophone, ça montait de 9 places, c'est Don't Get Là de Mister Valère. Au palmarès, il faut édition top 5. Et c'est au 89.1 FM. première position. Four steps in the morning, two steps in the day, three steps in the evening, and the darkness is ablaze, and all the angels, seats, and soldiers come step to the parade. I run out like a cheetah, a monk is in the blood. What a piece of work is man who screams the name of love. But all his brothers, cousins, sisters, and others hear his fuzz. What none can dream, but light calls it a lie, and all the sinners, saints, and winners just wink and walk on by. A Brando's in the forest, a Nancy's in the flood, a black swan makes a pirouette, the gods cry from above, and all the rain keeps falling on bare feet in the mud. C'est fou pour la semaine du 16 au 22 septembre 2013. On vient d'entendre en fin d'heure et à chaque fois je me retiens et je me dis récapitulatif pour tout le monde. Position numéro 3 en anglophone, Zeus, The Ballad of El Gudo. En deuxième, Imaginary City, c'est Sooner or Later. Et en première place, on vient d'entendre The Cat Empire et Brighter Than Gold. Et du côté francophone, en troisième place, c'était Ta Cadence de Navarre. En deuxième position, Coup de vent de Summerland. Et finalement, en première place, cette semaine, c'était Don't Get La de Mister Valère. Et oui, c'est là-dessus que ça se termine. Et Colin, que je suis content de voir ces deux pièces-là au sommet. C'est bon! Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On se dandine tout le long. J'ai tellement hâte d'écouter la reprise mercredi prochain. Oui, c'est ça. Ben tiens, rappelons-le qu'on est diffusé tous les jeudis entre 15h et 18h en édition complète. Ça repasse cette édition-là les dimanches à midi. Et on est en rappel quotidienne. Quotidien, vu que c'est un rappel. Hein? Exactement. Du lundi au mercredi, entre 17h et 18h. Édition New Shit le lundi, top 10 le mardi et top 5 le mercredi. Merci beaucoup, Stéphanie Paradis. Merci beaucoup, Mathieu Plante. Ça m'a fait plaisir. C'est toujours un plaisir de parler de babeurs avec toi. C'est le fun de parler de babeurs. Tu sais que là, on est en train de faire comme la conclusion de l'émission, puis il reste comme 15 minutes. Tu fais comme, voyons donc, c'est quoi l'affaire? T'sais? Ben, c'est parce que j'ai pas pensé pendant tout qu'il nous restait 15 minutes. C'est comme ça. Il nous reste de la place pour des petites chansons accessoires, bonus, disons, qu'on a sauté dans nos précédentes éditions. Donc, on va faire un petit bloc francophone. Tout à l'heure, il y aura La Question avec une année de travail, mais avant ça, la 12e position francophone. Et c'est Petit Pain de Panache. Go, comme un petit pain genre doigt de pain. Les petits pains pommes là, que ouais. Tu peux farcir. Là. OK, plein de beurre? Ouais, plein de beurre, puis de babeurre, puis de sauce brune. Oh. fin. Oh mon Dieu. Je ne ferai pas le camp d'entraînement. Je ne serai même pas évidemment. Pas de médaille du gouverneur général, c'est congénital chez moi. J'y vois pas pour l'instant. Trop d'inconvénients. Deux pièces qu'on avait sautées précédemment dans les panneaux assez fous. On vient d'entendre. C'était Nico Case et Man, position numéro 13. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Je confirme, c'est ça. Ça vient de leur album The Worst Things Get, The Harder I Fight. Avant ça, on a entendu La Question, une année de travail, et on a débuté avec Panache et Petit Pain, deux pièces qui étaient là depuis seulement deux semaines en francophone. Bon. Fallait qu'on les écoute. C'est dur les pièces bonus, hein? C'est du temps à remplir. Donc voilà pour l'édition Top 5. Là, c'est vrai, on a fait le tour des cases horaires tantôt. Je me répéterai pas là-dessus. Je vais juste te remercier de nouveau, Stéphanie Paradis. Et merci de nouveau à toi, Mathieu. Ça me fait plaisir, Caroline. On s'est amusé. Ben, on a toujours du plaisir ensemble. Merci à nos pas d'invités. Et à la semaine prochaine. Bye bye. J'interromps la chanson thème pour dire qu'on se quitte avec une pièce de Alice in Chains du côté anglophone. C'est la position numéro 12 stable Voices. Là, c'est vrai, bye. Trois fins, cette émission-là. Bye! C'était tellement bon que ça méritait trois fins. C'est comme un tableau dans Super Mario World. Mais on a trois segments, trois heures, donc ça prend trois fins, mais à la fin de toutes. Dites même, c'est logique au bout. Oui, oui. Of the team.